Alors, on a déjà abordé la question de la bonne nouvelle du jour. Donc, la bonne nouvelle du jour, c'est que on n'est plus obligé de boire de l'alcool fort si on commande de l'alcool faible. Voilà, oui. Très bien. Et de là, on glisse sur le mot magique, le mot du jour. Mot magique, le mot du jour, c'est interlope. Qu'est-ce que ça veut dire interlope, alors, Antoine? Alors, interlope a été prononcé hier à l'antenne, ce qui a provoqué la stupeur sur ce plateau. Et voilà, il fallait se fendre d'une petite explication. Alors, dans l'étymologie, interlope est emprunté à l'anglais interloper, lui-même dérivé du verbe interlope, composé de inter, entre en français, et de lope, qui serait une forme dialectale de to leap, courir, sauter. Et puis, to interlope signifierait alors courir entre deux parties et recueillir l'avantage que l'une devrait prendre sur l'autre, d'où le sens de s'introduire, de trafiquer dans un domaine réservé à d'autres que l'expression a pris ensuite. En gros, interlope, maintenant, ça veut dire un peu bizarre, chelou, un truc un petit peu entre deux eaux. Et puis, on en parlait hier pour parler justement de lieux où les cornemuses et les vielles à roues se rencontrent. Voilà. Donc, un lieu interlope, ce serait un lieu de rencontre pour cornemuse et vielle à roue. Et puis voilà, non, peut-être non. Et puis dans les premières acceptions, interlope, c'était un navire marchand qui exerçait des activités frauduleuses, de la contrebande, plus spécialement dans le cadre du commerce colonial. Mais là, on en est bien loin avec la cornemuse et la vielle à roue. On peut toujours garder un petit peu à l'idée qu'on est dans des entre-deux avec ces recherches de sons qui dépassent le cadre qui était prévu par la lutherie originellement. Mais c'est ça qui est très, très beau. Oui. Ben, merci beaucoup. Ben voilà, merci, on a un peu est-ce que cette explication vous satisfait ou est-ce qu'il faut que je cherche plus loin sur Internet? Non, je crois que je me sens très satisfaite vraiment d'avoir un nouveau mot dans mon vocabulaire qu'il va falloir que je trouve comment intégrer dans le quotidien pour pouvoir me la péter prochainement. Merci, Antoine. Très bien. Vraiment. On se réjouit d'entendre interlope souvent à Chantemerle. Oui.